Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la mort prématurée de Daniel Johnson et son héritage politique. Jamais nous ne lâcherons là-dessus. Ou nous gagnerons le statut d'égalité à travers le Canada, un État national pour la nation canadienne-française, ou bien donc, avec l'appui du peuple, nous ferons l'indépendance si elle devient nécessaire. Égalité ou indépendance, l'expression est étroitement associée à Daniel Johnson, qui en fera d'ailleurs le slogan de sa campagne électorale de 1966, mort prématurément à l'âge de 53 ans, le 26 septembre 1968. Nous ne saurons finalement jamais jusqu'où Daniel Johnson serait allé sur le chemin de l'indépendance. Ses deux fils, Daniel et Pierre-Marc, seront aussi premiers ministres du Québec. Daniel, un fédéraliste pour le Parti libéral du Québec. Pierre-Marc, un souverainiste pour le Parti québécois. Quel héritage politique nous laisse donc Daniel Johnson, père? Consterné, bouleversé. Je viens de le voir, il y a une heure. Aussitôt qu'on m'a donné la nouvelle, je me suis rendu à son chevet. Il est mort paisiblement dans son sommeil. Vous savez, nous étions des adversaires politiques, c'est clair, mais bien au-delà de la politique, nous étions des amis. Il est mort à la tâche. Significatif, n'est-ce pas? Qu'il soit mort ici, à Manicouagan 5, au moment de la complétion des travaux de cette œuvre gigantesque qui témoigne justement du génie des nôtres. Le chef du Parti libéral du Québec, Jean Lesage, le jour de la mort de Daniel Johnson, le 26 septembre 1968, le barrage de Manicouagan 5, où meurt Daniel Johnson, sera d'ailleurs nommé barrage Daniel Johnson en son honneur. Pour nous parler du parcours et de l'héritage politique de Daniel Johnson, l'historien, professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric, bonjour. Bonjour. Daniel Johnson meurt donc très tôt, très jeune, à 53 ans, dans des circonstances bien particulières. Peut-être nous le rappeler davantage. Dans quel contexte ça se passe? Il arrive la veille, donc le 25 septembre 1968, à Manique, ce barrage qu'on inaugure donc le jour du 26. Et le 25, il arrive en avion. Il salue tout le monde. Les gens le trouvent un peu pâle. Certains utilisent le mot translucide. On sent, vous savez, les gens qui sont sur le bord de mourir, près de mourir, on voit leur peau, plus blanche, plus fragile, eh bien, c'est l'impression que dégage Daniel Johnson. Il prend une photo restée célèbre où il est entre Jean Lesage et René Lévesque, deux anciens comparses du Parti libéral, mais qui ont pris chacun leur route. Il est très fier de cette photo et il se couche très, très tard, comme s'il pressentait mm-hmm. que la nuit était son ennemi, qu'il allait se passer quelque chose. C'est ce que disent ses conseillers. Il se couche à 1h15 du matin. Tout son entourage est complètement épuisé. Et le lendemain, autour de 6h, il aurait poussé quelques râles et on le retrouve à 7h30 du matin, mort dans son lit. Et de fait, il le sent. En fait, il le sait, Éric Bédard, qu'il va mourir. Il est malade depuis 64. C'est un homme en sursis. Ouais. En 1964, pour la première fois, il ressent un malaise. Il est à Paris, devant un de ses conseillers, et il croit que ce sont ses ulcères. Et quand il revient à Montréal, on lui dit qu'il fait de l'angine de poitrine, que c'est très sérieux, qu'il doit prendre congé. Il n'est pas question pour lui d'abord de faire connaître cette nouvelle à quiconque. C'est un secret. Il est en train de reconstruire son parti. Un deuxième malaise cardiaque très sérieux, celui-là, survient en septembre 1967, mm-hmm. un automne très chaud, comme on le sait, avec la visite du général de Gaulle. Il a un problème, là, il a un vrai malaise cardiaque, il fait une crise. Il décide de, donc, on l'envoie dans le plus grand secret, on l'envoie à Hawaï, en fait, on pensait au départ l'envoyer en Floride, mais on trouvait que c'était trop proche du Québec, il y a trop de Québécois. Voilà. On l'envoie à Hawaï, et à Hawaï, il va être entouré d'une garde rapprochée, il va se reposer pendant quelques semaines, il va faire une déclaration célèbre sur la question constitutionnelle. Notamment. Ce qui est inouï, c'est que, bon, bien sûr, on l'envoie à Hawaï parce qu'il y a moins de Québécois dans ce coin-là, mais ces convalescences successives, cette maladie de Johnson depuis 64... Secret. Voilà. C'est un secret, on pourrait dire, d'État, même si Yves Michaud dirait on n'a pas d'État au Québec. Mais c'est un secret d'État parce que, oui, absolument, on ne veut absolument rien laisser filtrer. Est-ce que c'est aussi une stratégie de la part de Johnson pour garder la main sur son caucus, son parti? C'est un homme qui a travaillé toute sa vie pour arriver là où il est. Et d'ailleurs, à la toute veille de mourir, hein, quand il revient. C'est-à-dire, et là, le dernier malaise, c'est ça, c'est important. Donc, le dernier malaise survient durant l'été 1968. Il part aux Bermudes le 14 août et pour à peu près un mois. Et donc, il revient le 19 septembre. Et lorsqu'il revient, il dit qu'il est dangereusement bien. Ouais. La déclaration fait mouche. Mais dans les faits, il n'est pas dangereusement bien. Son médecin de l'Institut de cardiologie lui dit qu'il est vraiment très, très mal en point. Il y a des proches qui lui disent qu'il doit abandonner. Mais il aurait eu cette phrase, rapporte son biographe Pierre Godin. « Toute ma vie, j'ai voulu être ce que je suis. Je peux enfin réaliser mes ambitions, mes politiques. » Et je m'en irais me bercer, hein, pour alors que bon, autant mourir debout, oui. Déclare-t-il. Bon, ça ne durera pas longtemps, évidemment, l'histoire nous le montrera. Faisons un bref retour sur son parcours, Éric Bédard, avant qu'il ne devienne premier ministre. Ce ne sera pas facile pour lui. C'est vraiment un parcours semé d'embûches. Oui, c'est semé d'embûches, ce parcours. Sa route n'est pas facile. Sa carrière politique aurait pu prendre fin le 11 janvier 1953. Il se rend en catastrophe chez son chef, Maurice Duplessis, parce que, imaginez-vous, sa femme vient d'être victime d'une tentative d'assassinat. Femme avait une liaison extra-conjugale avec un journaliste de Radio-Canada, un jeune homme. Et ce jeune homme voulait évidemment que cette femme aille vivre avec lui. Elle refuse. Il tente de l'assassiner et ensuite, il se suicide. Alors, Maurice Duplessis, lorsqu'il apprend cette nouvelle, appelle tous les patrons de presse, étouffe l'affaire. Première embûche, finalement, il reste en poste, mais c'est un drame dans la famille. Deuxième embûche, c'est le scandale du gaz naturel. En 1957, il y a la Corporation du gaz naturel, qui est une société d'État, qui est privatisée. Et on a l'impression d'un délit d'initié, puisque Daniel Johnson, en 1957, achète une centaine de parts à hauteur de 21 000 $ et en quelques jours, il va faire un profit de 5 000 $ Le scandale éclate au grand jour le 13 septembre 1958, et c'est Pierre Laporte, le Devoir, qui rend cette nouvelle publique. Et finalement, Duplessis va trouver le moyen d'étouffer encore l'affaire, même si la nouvelle est publique, et il va ostraciser Pierre Laporte et le Devoir. Et enfin, l'autre embûche numéro un, c'est la conquête de ce parti. Oui. Il devient ministre en 1958. Ça a pris 12 ans, Éric. Oui, ça c'est vraiment surprenant. Alors, Daniel Johnson avait une relation presque filiale avec Maurice Duplessis, lui offrait des cadeaux, Duplessis l'aimait beaucoup, mais sauf le poste de vice-président de l'Assemblée législative, là, qui n'est pas le plus prestigieux, il n'avait pas de ministère, il commençait à piaffer d'impatience. Et finalement, en avril 1958, Duplessis lui offre le ministère des ressources hydrauliques. Ouais. Et puis donc, vous l'abordiez, cette course à la direction, jusqu'au bout, ça sera difficile. Ah oui. Il n'y a pas d'adversaire pour un petit bout de temps. Tout à coup, Jean-Jacques Bertrand se pointe et il va l'emporter à l'arraché, Johnson. Oui, alors c'est une campagne extrêmement violente. D'un côté, Jean-Jacques Bertrand, qui est un peu son frère et demi, qui est de la même génération, qui a accédé au Conseil des ministres en même temps que lui en 58. Jean-Jacques Bertrand n'est pas sûr de se présenter. Finalement, se présente à la dernière minute. Il va récolter, à la Convention de Québec du 23 septembre 61, 912 voix, alors que Johnson obtient 1006 voix. Donc, c'est 100 voix de différence seulement, et ça va laisser des séquelles. Il y aura deux points de vue, deux visions qui vont s'affronter lors de cette campagne très déchirante, la continuité ou la modernisation. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, Johnson, parce qu'il y aura un Johnson première mouture puis un Johnson deuxième mouture, mais là, on est vraiment dans la première mouture. Le Johnson qui devient chef de l'Union nationale, à ce moment-là, c'est l'homme de la continuité. Il est à ce moment-là conservateur, plutôt conservateur. Il est tout à fait dans la ligne, il assume totalement l'héritage de Maurice Duplessis, Union nationale. Pas question pour lui de formuler des excuses ou de prononcer une sorte de désormais, puisque ça m'avait beaucoup frappé, d'ailleurs, lors de la campagne de 1960. Antonio Barrett, le chef là, de quelques mois, était lui aussi dans la continuité. Donc, Daniel Johnson ne renie pas le passif, le bilan de l'Union nationale. Au contraire, il est tout à fait contre l'intervention de l'État dans le domaine économique. Il a une philosophie libérale libérale très classique là-dessus. Il est contre toute forme d'intervention de l'État dans le domaine de l'éducation. Et donc, il est tout à fait traditionnel et il a une vision très défensive de la Constitution. Donc, on défend nos prérogatives, on défend nos compétences, mais on ne propose rien d'offensif en retour. Mais un certain nationalisme quand même. Donc, il soigne son électorat nationaliste. Mais un tout petit mot sur la campagne de 62, Éric, c'est savoureux, mais il compte sur cet électorat nationaliste de l'Union nationale, mais les libéraux lui réservent un sale coup, finalement. Oui, en fait, les libéraux, on pourrait dire, se convertissent au nationalisme en 1960 et 62. Avant, ils étaient perçus comme la filiale du Parti libéral du Canada. Là, ils développent une nouvelle structure durant les années 50. Et en 1962, ben, ils, comme vous le savez, font porter leur campagne sur la nationalisation de l'hydroélectricité, maître chez nous. Ouais. Ça prend l'Union nationale de court. Et donc, Daniel Johnson va trouver une sorte d'entourloupette. Il va dire, on n'est pas nécessairement contre, mais on veut que l'élection porte sur autre chose. Et si on est élu, il y aura un référendum. Alors, évidemment, cette position-là ne tient pas durant la campagne et ce sera un échec cuisant pour l'Union nationale en 62. Mais il va remporter cette élection qu'il conduira au poste de premier ministre. Daniel Johnson, donc, remporte l'élection de 66. Oui. On l'écoute le lendemain de sa victoire. Commenter la victoire, entrevue donnée le 6 juin 66. Quant à mon comté et à la région de Saint-Hyacinthe, que je connais particulièrement bien, ce qui m'a fait grand plaisir, c'est de constater que les jeunes en très grand nombre ont voté pour mes candidats, y inclus pour le député de Bagot, évidemment. Attribuez-vous votre victoire davantage à ce vote des jeunes ou au vote des femmes ou au vote rural? Je crois que la victoire est due à plusieurs facteurs, mais il est un fait certain, c'est que l'Union nationale, pour la première fois en 1966, a eu la coopération très active des dames et des jeunes au palier de l'organisation. Alors, c'est intéressant, cet extrait, Éric Bédard. En 66, cette victoire, donc, attribuable en partie, dit Daniel Johnson, aux dames, comme il dit, et aux jeunes, ça nous amène à nous demander comment on est en pleine révolution tranquille. Oui. Probablement que c'est surtout grâce à une carte électorale qui le favorise, qu'il gagne encore, une carte électorale qui n'a pas été transformée, qui avantage peut-être outrageusement les régions rurales, puisqu'il gagne avec plus de sièges, 56 sièges versus 50 contre les libéraux, mais avec moins de votes, 40,9%, alors que les libéraux remportent quand même 47,2% des voix. Beaucoup moins de votes. Ben voilà, beaucoup moins de votes. Donc c'est ce problème avec la carte électorale qui est toujours qui favorise les régions rurales. Il faut voir que il y a eu quand même une métamorphose durant les années 60 de l'Union nationale et de Daniel Johnson. Au début des années 60... Johnson de 66, là, c'est celui de la deuxième mouture. C'est celui de la deuxième mouture. Ce n'est plus le Danny Boy. Danny Boy, c'était une caricature de Normand Hudon du Devoir. Danny Boy, c'était, ça faisait référence aussi à ses origines irlandaises. Donc, c'était le chef un peu démagogue qui attaquait sans nuance les libéraux avec des arguments un peu qui sentaient le soufre, avec une attitude un personnage un peu débraillé de la campagne. Là, on est à un personnage qui a une stature d'homme d'État. Quand il est décédé, Daniel Johnson, tout le monde s'entendait sur le fait qu'il avait acquis au fil des années une sorte de stature. Et ça, comment l'expliquer? Ben, d'abord, il s'est entouré de conseillers en communication, tout bêtement, tout simplement. Il a eu une mauvaise expérience avec le débat télévisé de 62, qui était le premier de notre histoire. Et donc, il s'est entouré de conseillers en communication. Il parlait de façon beaucoup plus sobre et claire et doux, une voix plus douce, plus coupé, alors qu'avant, il s'égosillait comme s'il était devant 1000 personnes sur un perron d'église. Il a des costumes plus sobres. Donc, il y a eu une image qui s'est transformée. C'est un homme aussi qui a voyagé durant les années 60. Un voyage, notamment, l'a beaucoup marqué. Il est allé à Bruxelles et nous dit son biographe et certains proches, il en est sorti un peu transformé. Il a acquis cette conviction que c'est important d'avoir des mandarins, des gens qui sont très haut placés dans l'État, des gens qui sont bien formés en sciences sociales, puisque l'État est de plus en plus complexe. Ses interventions sont de plus en plus étendues dans le domaine social. Et donc, c'est normal d'avoir des technocrates, des mandarins. Et ça va apparaître dans ces deux années de pouvoir, ce sera au fond l'homme aussi de la Révolution tranquille, création des cégeps, Université du Québec. Il est dans la modernité. Alors il va poursuivre l'élan de la Révolution tranquille. Radio-Québec. Radio-Québec, absolument. Il avait dans sa ligne de mire, comme chef de l'opposition, ces technocrates qui, disait-il, étaient de mèche avec le gouvernement libéral, étaient dans le fond des fonctionnaires trop partisans. Alors, quand il arrive au pouvoir, ses mandarins sont convaincus qu'ils vont perdre leur emploi. Ses mandarins, ce sont Claude Morin, ce sont Jacques Parizeau, ouais. mais c'est quelqu'un comme surtout Arthur Tremblay, qui était le sous-ministre à l'éducation, qui avait joué un rôle très important dans la réforme de l'éducation. Et donc, il va conserver ces gens-là, finalement, mais en leur demandant une loyauté. Claude Morin raconte très bien ça dans son livre « Mes premiers ministres ». Il va poursuivre aussi l'ouverture du Québec sur le monde. Oui. Hein. Évidemment, il y a cette fameuse visite du général de Gaulle, mais l'Expo 67, oui. il va avoir comme conseiller un certain André Patry, qui est un homme, qui est un juriste de l'Université Laval, un polyglotte, qui sera son chef de protocole et qui a des antennes un peu partout dans le monde, un homme assez exceptionnel, qui va être aussi le rédacteur de la doctrine Gérin-Lajoie. Il va le conserver proche de lui. La question linguistique, ce sera une question importante pour Daniel Johnson. On écoute deux extraits, un extrait de l'émission Présent en avril 1967, puis un autre extrait, deux fois Daniel Johnson, autre extrait du Radio-Journal du 25 septembre 1968. Hier, un arrêté en conseil a été publié dans la Gazette officielle du Québec. Désormais, tous les aliments fabriqués au Québec devront avoir une inscription obligatoirement en français et aucune inscription rédigée dans une autre langue devra l'emporter sur celle rédigée en français. Ça va coûter cher pour changer les étiquettes car un grand nombre de nos produits alimentaires québécois arborent de fort jolies inscriptions en anglais. Oui, mais la loi, c'est la loi. Et le premier ministre de la province de Québec, M. Daniel Johnson, répond à Teddy Chevalot qui lui demande si on peut s'attendre à ce que d'autres gestes soient posés dans cette imposition du français, par exemple dans le domaine de la publicité. Mais est-ce que ce français prioritaire va être rendu obligatoire dans d'autres domaines? C'est ça au fond le point. Nous verrons en temps et lieu. Ça veut dire quoi, dans 2 ans, dans 3 ans? Ça veut dire en temps et lieu aussi vite que nous pourrons nous appliquer à étudier certains aspects du problème. Dans de la industrie, par exemple? Il faut absolument que dans cette province à prépondérance française, dans une proportion de 80%, le français occupe réellement la place qui lui revient et que nous montrions un visage français à tout le reste du Canada et au reste de l'univers. Nous serions stupides de dépenser 1 milliard par année pour instruire 1 250 000 francophones en français et ensuite ne pas prendre les moyens nécessaires pour que qu'ils ne soient pas des citoyens de seconde zone dans leur propre province. En somme, il est absolument nécessaire, et tout le monde s'entend, même les anglophones de bonne foi, lorsqu'on sort le problème de son contexte passionnel, il est nécessaire que Québec soit aussi français, tout en étant bilingue et en admettant l'anglais, qu'Ontario est et demeurera anglais, en admettant du français et en donnant une chance à tous les anglophones, à tous les francophones d'apprendre l'anglais, comme nous allons voir à ce que tous les anglophones, tous les non-francophones du Québec aient une chance d'apprendre le prevailing language, comme on dit, en Ontario. Et le prevailing language en Ontario, on sait ce que c'est. Un Québec aussi français que l'Ontario est anglais, c'est un argument que reprendra Camille Laurent ouais. lorsqu'il présentera la loi 101. C'est sa vision. Est-ce qu'on a une idée de la vision? Non, Johnson justement, Johnson n'a pas eu le temps de trancher cette fameuse poire-là. Il n'a pas eu le temps. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour lors du Conseil des ministres de septembre 68, juste avant son décès. La crise linguistique de Saint-Léonard commence à faire rage et il n'a pas eu le temps donc de trancher la question. Il y avait une aile nationaliste dans son parti qui le pressait d'agir, mais il n'a rien fait et il ne pouvait pas se douter à ce moment-là que ça allait devenir la grande crise qui avait coulé l'Union nationale. On revient à ce fameux égalité ou indépendance. Que souhaite Daniel Johnson sur la question nationale? On écoute les commentaires de Daniel Johnson et de Pierre-Elliott Trudeau au moment de cette conférence, cette fameuse conférence constitutionnelle de février 1968 à Ottawa. Il y a dans Québec plusieurs partis politiques. Il y a le AIRN, le RN. Il y a un mouvement qui n'est pas encore parti politique, qui le deviendra peut-être, probablement. Souveraineté Association, le mouvement de M. Lévesque. Et il y a 2 partis majeurs, le Parti libéral et le Parti de l'Union nationale. Or, sur cette question des pouvoirs dont Québec a besoin, il y a entente, on a pu s'en rendre compte par la déclaration dimanche dernier de l'ancien premier ministre chef du Parti libéral, il y a entente on peut dire que sur ce minimum, il y a unanimité dans Québec. La façon de remédier aux maux du passé n'est pas de détruire la raison d'être des délégués canadiens français à Ottawa. C'est au contraire de se fier à eux pour faire le travail que peut-être dans le passé n'a pas été fait avec assez de zèle. Et la solution, s'ils ne le font pas, ce travail, ce n'est pas de demander plus de pouvoir pour le Québec, c'est de changer ses représentants et d'en mettre des meilleurs, si on croit au fédéralisme. Alors, Daniel Johnson, Éric Bédard, à cette conférence d'Ottawa en février 68, on peut le dire clairement, on vient un petit peu de l'entendre, il va frapper un mur. Oui. Alors, on a parlé de la métamorphose de Daniel Johnson. Il y a clairement une métamorphose sur la question nationale et la question constitutionnelle. Le Johnson, première manière, était dans la défense des prérogatives du Québec, mais le Johnson, deuxième manière, il est beaucoup plus offensif. Il dit la chose suivante, nous réclamons une refonte de la Constitution canadienne où nous allons vers l'indépendance. C'est le titre de son livre qu'il publie en 1965. Il s'en met beaucoup sur les épaules. Il en met beaucoup sur la table, Daniel Johnson. Et on sait qu'il n'est pas vraiment très friand de l'idée indépendantiste. Et il croit que le Québec n'est pas prêt. Il va faire une déclaration en Hawaï pour rappeler que son parti n'est pas séparatiste. Ça, c'était après la visite du général de Gaulle. Donc, il s'en met beaucoup sur les épaules. Il y a là deux conceptions qui s'affrontent en février 68, la conception assez répandue au Québec, égalité ou indépendance, ou en tout cas un statut particulier pour le Québec, les cette États associés. De partir si on ne refait pas C'est un peu la stratégie du couteau sur la gorge, où nous refondons la Constitution pour en faire véritablement un État binational avec deux grandes nations fondatrices qui ont des pouvoirs reconnus, le Québec étant l'une de ces deux expressions politiques du Canada français, comme on disait à l'époque. Et la vision Trudeau, qui était une vision plus individuelle. Les francophones doivent avoir des droits linguistiques reconnus dans une loi, éventuellement reconnus dans une charte. Ce sera son grand projet de 1981-82. Mais de là à donner des pouvoirs spéciaux au Québec, de là à reconnaître la dualité nationale, non. Pour Daniel Johnson, il ne peut pas y avoir des droits linguistiques sans refonte de la Constitution. La langue est liée à une culture, à une histoire, à une communauté de destin qui est celle du Canada français. Mais jusqu'où serait-il allé, égalité ou indépendance, dans la mesure où on peut présumer qu'il n'aurait pas eu, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui est au pouvoir, n'aurait pas eu l'égalité, serait-il allé jusqu'à l'indépendance? Je suis presque sûr que non. Chose certaine, ça a mis une énorme pression sur lui. Et si son corps flanche en septembre 1968, c'est peut-être en partie parce qu'il sent bien qu'il est vraiment acculé au pied du mur, qu'il devra éventuellement prendre parti dans ce débat-là. Et on peut penser que cette pression énorme qui a été mise sur ses épaules l'a amené vers ce malaise très grand. Mais là, c'est difficile de le dire. Ouais. Mais chose certaine, tout porte à croire que Daniel Johnson ne serait pas devenu un indépendantiste. Éric Bédard, professeur à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.